Ok, incorrupt, Empathic Records, TRSP, Gaouli. J'irai jamais dire que le rap est mort, non c'est pas mon truc. Dénigrer juste parce que des MC ont donné leur huc. On n'a jamais lâché, craché de l'oseille pour passer. Nous on a fait nos affaires sans jamais rien vous demander. Nous demander, toujours au pic et que soit l'heure. Tu m'entendras jamais dire, non je peux pas poser. Aucun beat me fait peur, j'irai pas dire que je suis une caille. Rage, m'en bats les couilles, moi j'ai passé l'âge, gars. Je ne veux pas trahir mes idées, c'est décidé. Je veux juste vider mon cœur et mes tripes speedées. Rester fidèle à mes principes, j'irai jamais dire que Sarko c'est pas si mal. On vit mal, demande aucun risque, ils ont la carte vitale. J'suis pas du genre à serrer la main à mes ennemis. Pas du genre à faire les choses si j'en ai pas envie. Moi j'dis jamais c'est dead avant d'essayer. Je sais que dans la vie y'a pas de victoire sans des défaites d'essayer. Arrive pas n'importe quoi, fais pas preuve des mauvaises voix. Représente pas les mecs d'en bas, si au quartier tu n'y traînes pas. On dira pas que ça traîne de partout pour plaisir mon noir. On dira pas qu'on brise brûle tout pour avoir la gloire. Arrive pas n'importe quoi, fais pas preuve des mauvaises voix. Représente pas les mecs d'en bas, si au quartier tu n'y traînes pas. On dira pas que ça traîne de partout pour plaisir mon noir. On dira pas qu'on brise brûle tout pour avoir la gloire. J'irai pas dire n'importe quoi, juste pour le plaisir de me la raconter. C'est pas mon style, demande à papy te le dira. Il dira je nique les mythos, il dira j'aime pas Sarko. Dira qu'en France y'a qu'une minorité de fachos. T'as beau être fâché, mais dans la street j'ai pas vu beaucoup de mecs de mon quartier se taper pour soutenir les expulsés. Dans la vie je me la joue franc jeu, j'parle pas pour rien dire. J'ai la franchise des mots et j'ai l'antise des gros mythos. J'irai pas dire que j'étais au mitard pour jouer les durs devant des minots. C'est pas mon créneau, non c'est pas mon histoire. J'irai pas dire que je crève la dalle, même si parfois les temps sont durs. Y'a ce qu'il faut dans l'assiette et c'est le principal. Par principe j'évite de me plaindre, par respect pour ces gosses qui meurent de famine au Pakistan ou dans le sud de l'Inde. J'irai pas dire qu'avec mon pote on est les boss, mais par contre qu'on a la cote et respect, tu sais qu'il y en a dans le froid. Raconte pas n'importe quoi, fais pas preuve des mauvaises voix. Représente pas les mecs d'en bas, si au quartier tu n'y traînes pas. On dira pas que ça traîne de partout pour plaisir mon noir. On dira pas qu'on brise brûle tout pour avoir la gloire. Raconte pas n'importe quoi, fais pas preuve des mauvaises voix. Représente pas les mecs d'en bas, si au quartier tu n'y traînes pas. On dira pas que ça traîne de partout pour plaisir mon noir. On dira pas qu'on brise brûle tout pour avoir la gloire. J'irai jamais dire que les arabes sont des voleurs, que tous les prêtres sont des violeurs et qu'on vit tous dans le malheur. J'irai jamais dire que le fric n'a pas d'odeur, c'est faux. Que toutes les femmes sont des putes, qu'elles ont leur place dans le caniveau. J'irai jamais dire que tous les blancs sont des racistes. Y'en a vraiment, c'est clair, c'est bien pour ça que je suis pacifiste. J'irai jamais dire que nos patrons sont les meilleurs. Prends d'exemple sur le bénévole, laisse-moi partir ailleurs. J'irai jamais dire que j'aime le président, tu sais que c'est mort. Y'a assez de corridors, assez de mecs qui dorment dehors. J'irai jamais dire j'encourage la violence dans les tests. Je laisse aux médias qu'à cette merde c'est pour les faibles. Je me dois de balancer la vérité, éviter le mensonge. Je veux pas finir comme toi, avoir la colère qui me ronge. J'irai jamais dire que Gaouli c'est pas mon pote. Je connais l'amitié, la vraie tant puis si ça me ferme des portes. Raconte pas n'importe quoi, fais pas preuve des mauvaises voix. Représente pas les mecs d'en bas, si au quartier tu n'y traînes pas. On dira pas que ça baisse de partout pour plaisir mon noir. On dira pas qu'on brise brûle tout pour avoir la gloire. Raconte pas n'importe quoi, fais pas preuve des mauvaises voix. Représente pas les mecs d'en bas, si au quartier tu n'y traînes pas. On dira pas que ça baisse de partout pour plaisir mon noir. On dira pas qu'on brise brûle tout pour avoir la gloire.